Alors voici, c'était un extrait de la Rhapsodie nègre for piano and orchestra de John Powell, qui est interprété ici par l'Orchestre symphonique de Vienne, qui était alors dirigé donc par Dean Dixon, qui était un chef d'orchestre noir américain. Voilà. Alors, on était resté à la proposition donc, de John Powell de, pour reconstruire une vraie nation américaine, de trouver et mettre en évidence quelle est la racine nationale homogène, donc la race en fait nationale homogène, qui permettrait de refonder une identité nationale forte. Alors, on va voir maintenant ce qu'il propose en lien avec la musique. Alors, Powell exclut d'emblée les racines africaines et asiatiques sur des bases géographiques. Elles ne sont pas américaines. Si, pour Powell, les seuls vrais Américains sont les Amérindiens, il soutient néanmoins que, je le cite, « notre population est très largement européenne et nos coutumes, traditions et langages sont européens ». Reste donc pour lui à choisir une racine européenne. Alors voici ce qu'il écrit dans son essai. Devrions-nous choisir la racine française sur laquelle greffer notre culture? Il suffit de poser la question pour répondre par la négative. Sympa. Ou l'italien, l'allemand, le russe ou l'espagnol? Vous voyez tout de suite que la seule racine possible sur laquelle nous pouvons greffer notre culture est la racine anglo-saxonne. Parce que les idéaux sur lesquels notre République a été basée sont typiquement et distinctement anglo-saxons. Alors, on voit qu'il n'y a absolument aucun argument justificatif dans cet extrait. De plus, l'ordre d'énumération des différentes racines présentes sur le sol américain et de leur exclusion successive respecte une forme de schéma évolutionniste. Des plus primitives, donc les africaines et les asiatiques, à la plus évoluée, l'anglo-saxonne, en passant par toute une série de barbares, de racines barbares, françaises, italiennes, espagnoles, etc. Powell propose alors de passer en revue les différentes écoles de composition qui, à la suite des recommandations de Dvorak, ont entrepris de créer une musique nationale. Selon lui, il existerait 6 écoles de composition distinctes aux États-Unis. La Red Indian School, donc les indianistes, la Negro School, donc ceux qui s'inspirent de musique noire, la Stephen Foster School, la Popular Music School, la Ultra Modern School et enfin la Anglo-Saxon Folk Music School. Powell rejette, tant sur la base de jugement esthétique que de considérations racialistes, l'utilisation de la Negro Music. S'il reconnaît en avoir fait lui-même usage, ce n'était selon lui que dans le but précis d'exposition du caractère noir et non de portrait de la nation. Du point de vue esthétique, il propose d'isoler les caractéristiques africaines de la Negro Music, à laquelle il attribue les mêmes pauvretés et monotonies qu'aux musiques amérindiennes. À l'instar des plus farouches opposants au paradigme de Dvorak, il est persuadé que la Negro Music, et plus précisément les spirituals, ne serait qu'une pâle adaptation de la musique européenne, et il réitère l'argument racial, je le cite, « il est absurde d'imaginer que l'idiome noir pourrait un jour donner une expression adéquate à l'âme de notre race ». Powell s'attaque ensuite à la Stephen Foster School, dont les chants seraient, je le cite à nouveau, « trop étroitement identifiés à une période et une condition particulière de la société pour être d'une assistance plus que superficielle dans le développement d'une musique nationale ». Alors là, la référence au sud esclavagiste dans beaucoup des chansons de Foster semble être visée par cette critique de Powell, qui distingue le sud profond des plantations de coton, où noir et blanc vivent en promiscuité, et le sud de sa Virginie natale, qui l'imagine épargné par les mélanges raciaux et habité par les traditions anglo-saxonnes dans leur plus grande pureté. Il revendique néanmoins un goût pour les compositions de Foster et choisit de distinguer les compositeurs s'inspirant de la musique de ce dernier, qui, si sa motivation est commerciale, a au moins le mérite d'être blanc, incontestablement américain, et de renvoyer à un romantisme antebellum. Powell s'en prend ensuite aux compositeurs prônant l'usage des musiques commerciales américaines, le jazz, le ragtime et le vaudeville, spectacle de variété analogue au musical français, majeur aux États-Unis au tournant du XXe siècle. Toutes ces musiques seraient le produit des manias de Broadway, comme il le dit, des musiques, je le recite, manufacturées artificiellement par le type le plus inférieur et vulgaire du parasite musical étranger, et dont les lignes mélodiques sont ineptes et imbéciles, donnant lieu, lorsqu'elles rencontrent du succès, à de nombreuses imitations sans consistance. Ces musiques ne seraient pas inventées par le peuple, mais fabriquées pour lui par des parasites étrangers. Powell vise ici, bien sûr, les compositeurs juifs de Broadway. Il admet cependant que de bonnes pièces ont été créées en s'appuyant sur ces musiques, notamment les siennes, mais qu'il s'agit à nouveau de character music, c'est-à-dire des musiques dépeignant des personnages grotesques, à l'instar des Gollywog's Cakewalk de Debussy et de ses propres clowns de la suite Hâte de fer. Au compositeur ultramoderniste, il reproche un goût délétère pour le chaos et une approche révolutionnaire frisant le non-sens. En tentant de rompre avec les traditions, ces American Musical Chaoticists auraient produit des concoctions dénuées de moyens de communication communs et verrouillées comme le secret du Sphinx. Powell critique également les allégeances politiques supposées des ultramodernistes en leur reprochant d'imiter la musique bolchévique et donc d'échouer dans leur volonté de nouveauté. Son verdict est sans surprise. La folk musique anglo-saxonne, seule racine digne de représenter la conscience nationale américaine, constitue la seule fondation valable pour une musique savante nationale. Il lui reste encore à prouver que la race anglo-saxonne possède bien de la folk musique, contrairement à l'idée selon lui très répandue selon laquelle les anglo-saxons seraient un peuple sans musique. Alors Powell va s'appuyer sur les collectes menées depuis les années 1900, notamment par le célèbre folkloriste anglais Cecil Sharp, qui considère que la région des Appalaches est l'un des derniers terroirs où auraient été préservées les vieilles ballades et folk songs anglaises. Si l'Anglo-Saxon Folk Music School est la meilleure et la plus évidente pour obtenir une musique américaine de qualité, comment expliquer qu'elle soit aussi peu explorée par les compositeurs américains ? Eh bien, selon Powell, ce retard est dû à la propagande insidieuse et sans scrupules des influences étrangères présentes dans les milieux musicaux aux États-Unis. Les chefs d'orchestre étrangers, notamment, et il fait allusion à un Français sans citer son nom, qui aurait inhibé les anglo-saxons en entretenant l'idée selon laquelle ils ne seraient pas une race musicale et en ayant généralement des réticences à programmer leurs œuvres. La pensée raciste de Powell et ses idéaux séparatistes déterminent sa définition d'une bonne musique nationale. Il définit la vraie folk music américaine comme exclusivement blanche, anglo-saxonne, mais aussi pastorale, puisqu'elle est attachée à un territoire spécifique, celui des Appalaches. Ce compositeur natif de Virginie présente une dimension régionaliste dont témoignent les titres de ses compositions. Ses usages occasionnels de Negro songs ou de popular music ne viennent pas contredire cette vision exclusive puisqu'ils servent à dépeindre les éléments les plus abjects de la société américaine et ainsi renforcer en miroir l'idée de supériorité de la culture anglo-saxonne. Powell fait figure d'exception parmi les compositeurs cherchant à américaniser la musique. La majorité choisit de se tourner vers une définition géographique et non raciale de l'esprit américain, en utilisant des éléments culturels exotiques, musique amérindienne et noire, incarnant l'exception américaine face à la vieille Europe. Powell se replie, lui, sur une interprétation raciste et passéiste de la conscience nationale américaine. Son rejet de l'influence étrangère fait sans doute moins écho à la vague anti-germanique qui marque certains milieux musicaux états-uniens durant la Première Guerre mondiale qu'à la nouvelle influence qu'exerce l'école française, notamment Debussy et la pédagogue Nadia Boulanger, aux États-Unis. Il semble également viser, même si cela reste implicite, l'influence des Juifs dans les musiques commerciales new-yorkaises. Son collègue Daniel Gregory Mason, compositeur et critique issu d'une grande dynastie musicale bostonienne, affiche un essentialisme beaucoup plus explicite qui s'exprime notamment à l'encontre du compositeur juif d'origine suisse Ernest Bloch, lorsque ce dernier s'essaye lui aussi dans les années 20 à la composition d'une œuvre nationale américaine. Cet essentialisme, bien qu'il s'en défende, sera interprété comme de l'antisémitisme. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.